Donne-moi ce qui m'est dû. Le respect et tout le reste, car dans mon pride avec le fils, c'est la rue que j'ai dû soumettre. Ma seule prouesse, une envie tout raide. Compulsif, mon rap t'emmerde, vu qu'il a le syndrome de Tourette. Chez nous, y'a pas d'outline, donc tu ferais quoi à notre place? Ici, c'est raide, vu qu'on mène tous une anoc life. On trim quand on vit en marche, c'est évident, mec. Alors on convertit nos rimes en pages comme des génies en herbe. Respecte toutes les phases qu'on proscrit, afin que les mots tapent et les flows swing comme les légendes de chez Motown. Beaucoup d'MC métro se valent, c'est sec comme nos osophages. Je suis qu'on a la dalle comme des Kosovars. Je veux faire de l'or avec des bouts de lettres. Alchimiste de mes couplets. Avec des si je mettrais ma rime en bouclet. Le pouls malgré les coups de vis. Les espoirs qui s'étourdissent. Les femmes et l'oseille c'est rien. Mais le respect c'est tout. Je demande du respect, hein. Est-ce trop demandé? Je demande du respect. Ouais, on essaie trop de me l'enlever. Je demande du respect. Trop de coups, trop de peu grands. Je demande du respect. En fait je le demande pas, non je le prends. Je demande du respect. Quoi, vous comptiez nous baiser? Je demande du respect. Arrêtez et comptez vos blessés. Je demande du respect. Respect. Trop de coups, trop de peu grands. Je demande du respect. En fait, je le demande pas, non, je le prends. On passe du ciel gris à l'orage. On place nos écrits à l'oral. Et grâce au cerveau humain, on vit plus comme Laura Ingalls. Mais tout ça se gagne comme une discipline olympique, c'est clair. Autant qu'une olympique, ça fout les jetons comme quand tu frôles un pit. Entre les jaloux de service et les zoulous de cette ville, on veut le respect, pas la pitié. François Pignon, c'est pas Julius Erving. Ton aide, je la laisse au reste. Je m'en sors sans SOS. Le respect devant Hitler, 4 médailles d'or gagnées par Jess Owens nous-mêmes. Ce respect nous mène pour devenir infaillible. Je vois la pitié quand y'a cette vieille roumaine qui joue les invalides. Faut éviter le bûcher dans ce monde plein de lobsa. Moi je respecte les convictions du Tché autant que les points de Bob Sap sans trébucher, hein. Regarde Tony Tapi ou Khalifa. T'as l'argent, t'as le pouvoir. Si t'as le pouvoir, alors t'auras les femmes. Dans ce monde plein d'anges là, moi je serais pas Tony Micheli. Où j'ai grandi, le manque de respect, il est limite. Je demande du respect, hein. Est-ce trop demandé? Je demande du respect. Ouais, on essaie trop de me l'enlever. Je demande du respect. Trop de coups, trop de peu grands. Je demande du respect. En fait, je le demande pas, non, je le prends. Je demande du respect. Quoi, vous comptiez nous baiser? Je demande du respect. Arrêtez et comptez vos blessés. Je demande du respect. Trop de coups, trop de peu grands. Je demande du respect. En fait, je le demande pas, non, je le prends. Tu pensais que tu me fais un trait, de trait. Fais la trêve ou bien crève. Je suis fin prêt. Je t'avais dit que mon 93 vaincrait. Ils nous ont eu les thunes, les grosses études. Mon cul, c'est cuit pour des écus. Ils veulent mon numéro de sécu. T'inquiète, dis-leur que c'est pépère. Le rap, dis-leur que c'est vénère. Dis-leur j'écris mes vers sur leur CV de merde. Dis-leur de respecter la prod, dessert prod. J'croque dans le dessert, j'ai des potes sous mon aile et nos aisselles propres. Le respect, c'est dead fils, c'est fini depuis les 70s. Et ces mecs disent pourquoi s'énerve, deal. Mon thème astral vissé, des images tragiques. Des flics, des malfrats et nos matières qui étaient mal trafiquent. Moi, dans leur tempo, j'm'impose, j'fais leurs pot, plein pot, toi dans ma peau, un pot. Si le Nantal nose, plein de coke, j'carbura. Rien de dangereux mec, mais rien, j'en veux mec. Et mine de rien, j'vais mettre vos poches sur la carte du rap, quoi. Tu pensais qu'on avait le nez dans la CC. Dans la maison, n'accepte plus l'échec, c'est HEC. Finir, drogué, noyé dans ma piscine, non merci. Tu prends des gifles à domicile, c'est Mendoza qui signe l'homicide. Du respect, hein. Est-ce trop demandé? Je demande du respect. Ouais, on essaie trop de me l'enlever. Je demande du respect. Trop de coups, trop de peu grands. Je demande du respect. En fait, je le demande pas, non, je le prends. Je demande du respect. Quoi, vous comptiez nous baiser? Je demande du respect. Arrêtez et comptez vos blessés. Je demande du respect. Trop de coups, trop de peu grands. Je demande du respect. En fait, je le demande pas, non, je le prends. Yeah.